Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Kémoso, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Pensée du jour, aujourd'hui je ne vous donnerai pas d'outils, mais je vais vous partager un point de vue et un ressenti. Depuis quelques temps, je suis en réflexion concernant la consommation et la mode qui tourne autour du bien-être. À la base, le bien-être, c'est quoi? Pour moi, ce mot est assez vaste, mais ces deux mots suffisent à leur donner un sens. Bien-être ou mieux-être, et je dirais même être tout court. Nous vivons dans un monde de consommation. On consomme tout, les médias, la nourriture, les loisirs, et même la spiritualité et le bien-être. Et c'est là que ça me pose question. Car le bien-être n'est pas une consommation, mais une pratique au quotidien. Une pratique que l'on fait avec le cœur, et non pas avec le mental. On ne va pas bien, et on cherche de l'aide et des solutions. Alors on consomme, sans la réelle conviction de changer sa vie. Et sachez qu'aucun thérapeute n'aura la réponse à vos questions, mais qu'il sera là pour vous accompagner vers ce changement, en vous faisant réfléchir sur certains aspects de vos vies, vos modes de fonctionnement, et en vous donnant effectivement quelques outils consommables, et je mets des guillemets car consommables, en pratique, en instaurant des rituels, en étant actif et non passif. Nous sommes un tout, un corps physique, une âme et un mental. Dans une démarche de bien-être, l'idée est d'équilibrer ces trois corps. Ne cherchons pas de remède miracle, mais cherchons plutôt notre être pour le rendre bien. Nous aurons bon consommer toutes sortes de pratiques de soins, de compléments alimentaires, de thérapies. Vous seul devez instaurer des pratiques quotidiennes pour que ce bien-être s'inscrive dans le temps. Tout cela pour dire que se sentir bien n'est pas une mode et n'est pas consommable. Nous devons être acteurs et être dans l'être. Des concepts, il en existe des milliers. Bien sûr, ils sont une base pour acquérir des connaissances théoriques qui nous aideront par la suite. Mais après cela, c'est l'intuition qui doit parler. Nous passons tous par là au début. Et en ce moment, dans ma vie, je m'éloigne de plus en plus des concepts et je pratique au quotidien tout ce que j'ai pu apprendre, lire, en se détachant de ces concepts. Se détacher des concepts, c'est finalement se détacher du mental, qui est bien trop présent dans nos vies. Le mental a sa place, mais ne doit pas diriger nos vies. Donc faisons les choses avec le cœur et essayons d'être à l'écoute de notre intuition, de prendre du temps pour nous-mêmes. Le monde change et cela se ressent, et nous sommes à la recherche de ce changement. Et le bien-être en fait partie. Je reçois et discute avec des personnes qui ont envie de changer. Et cela ne se fait pas en un claquement de doigts, mais en étant acteur et en mettant les choses en place avec conviction. C'était le petit mood du jour, donc je vais vous laisser avec une citation d'Osho qui ne me laisse pas indifférente. « La vie en elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous peignez dessus. Vous pouvez peindre la misère ou vous pouvez peindre la joie. Cette liberté est votre splendeur. » Je vous invite donc à suivre mes aventures sur ma page Facebook Les Secrets de Mathilde. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à vendredi prochain sur Radio Kémoso.